Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la descente en enfer d'une famille sous influence, les reclus de Montflanquin. De 2001 à 2009, 11 membres de la famille Vedrin, des aristocrates bordelais riches, vont vivre sous l'emprise d'un manipulateur, Thierry Tilly. Ballotté au gré des folies de leur gros, cette famille de notables va passer 9 ans coupée du monde. Une décennie entière, ou presque, de soumission et de paranoïa, à fuir une prétendue menace complotiste qui va ruiner et diviser les Vedrin. Non seulement Thierry Tilly va s'emparer du patrimoine de ses victimes, qui perdront près de 5 millions d'euros, mais il va les détruire mentalement. Divorce, dépression, torture. Les Vedrin, sur 3 générations, sortiront brisés de ce calvaire. Mais comment un seul homme a-t-il pu soumettre toute une famille, des gens normaux, équilibrés, à son joug malsain? Comment a-t-il pu les convaincre de vivre cloîtrés, puis les dépouiller, sans jamais provoquer ni méfiance, ni révolte? Raconter cette histoire, c'est faire l'autopsie d'un processus de manipulation mentale hors norme. Notre invité aujourd'hui, Daniel Zaguri, expert psychiatre, il a été sollicité par la justice dans le cadre de cette affaire, dite des reclus de Montflanquin, qu'il a expertisé. En 2018, il a publié La barbarie des hommes ordinaires aux éditions de l'Observatoire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Linda, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lundi 24 septembre 2012. Devant la lourde porte en bois vernie du tribunal correctionnel de Bordeaux, les curieux trépignent. Pendant 2 semaines, la haute société bordelaise va venir se délecter de la déchéance de ceux qui faisaient partie autrefois des leurs, la famille Vedrin. Dans le public de la salle H du tribunal, collier de perles et brushing soigné gloussent, commentent et même tentent de prendre des photos. Sur le banc des parties civiles, les Vedrin sont invariablement assis dans le même ordre. Il y a Ghislaine et ses enfants, François et Guimette, mais aussi Charles-Henri, le frère de Ghislaine, sa femme, Christine, et leur progéniture, Diane, Guillaume et Amaury. Enfin, il y a Philippe, le frère aîné de Ghislaine, avec sa femme, Brigitte. 10 des reclus sont là. Il ne manque que la grand-mère, décédée en 2010. Les Vedrin sont ruinés, mais ils restent fidèles à leur milieu, l'aristocratie protestante du Lot-et-Garonne, les jupes aux genoux, mocassins à gland, boutons dorés, et à chacun sa chevalière au petit doigt. Lorsqu'ils rencontrent Thierry Tilly, l'escroc qui va les asservir, les Vedrin ont entre 15 et 87 ans. Ils sont bien nés, on l'a vu, mais aussi bien intégrés. Charles-Henri est gynécologue à Bordeaux, Philippe est cadre de l'industrie pétrolière à la retraite, Ghislaine, directrice d'école. Nous ne sommes pas des illuminés, Guillaume de Vedrin, le fils de Charles-Henri, tient à le préciser pendant l'audience. Et c'est pour cette raison également que l'affaire surprend. D'autant que celui qu'ils accusent de manipulation mentale n'impressionne pas beaucoup. Non, franchement. Thierry Tilly, 48 ans, la trentaine au moment des faits, ne paie vraiment pas de mine avec son physique passe-partout, là, un peu lisse, ses lunettes rectangulaires, ses cheveux trop bien coiffés. Et puis alors, cet air faux, disent ceux qui ne se sont pas laissés avoir. Il le reconnaît lui-même d'ailleurs quand il lâche à une psychologue. « Je vous ai dit la vérité à 80%, madame l'experte. Je vous prie de m'excuser pour les 20% de fantaisie. » Étrange aveu tout de même, quand on est accusé d'escroquerie, d'extorsion de fonds, d'abus de faiblesse sur personne en état de suggestion psychologique ou physique, et de séquestration accompagnée d'actes de torture ou de barbarie. Pendant son procès, Thierry Tilly ment, sans cesse. Il a réponse à tout, Thierry Tilly. Seulement, il répond souvent à côté, ce qui a le don d'agacer la présidente du tribunal. Des réponses bien souvent incohérentes. Jamais avare de détails, le prévenu déroule son passé avant sa rencontre avec les deux Vedrin. Je travaillais en freelance pour plusieurs donneurs d'ordre. Je faisais notamment du renseignement économique pour Jean-Luc Lagardère. Une longue logorée dans laquelle il cite pêle-mêle Pierre Richard, Brigitte Bardot, Bernard Kouchner, qui lui a remis ses diplômes d'études supérieures, Paul Le Guen, avec qui il a joué au football, glissant au passage qu'il a failli devenir gardien de but en première division. Rire dans la salle, la présidente ramène le calme et rappelle la gravité des faits reprochés. Qu'importe les invraisemblances, Thierry Tilly donne libre cours à sa mythomanie, mais les partis civils le soupçonnent d'en faire un peu trop en la matière, comme s'il avait trouvé là une ligne de défense qui le dédouanerait pour s'expliquer sur le fond de l'affaire. L'accusé est à la limite du délire. Il se dit roi d'Israël, fondateur de Greenpeace, membre de la famille royale d'Angleterre, s'autoproclame homme le plus riche de France, ancien espoir de la Ligue 1 de football, ami de Liliane Bettencourt, de Bernard Kouchner et du général de Gaulle. Et je peux le prouver, assène-t-il régulièrement. Mythomane pathologique, confirme assez logiquement les experts à la cour, mais aussi doté d'une intelligence supérieure, et ça se voit. Oui, derrière les insignifiantes lunettes, là, le regard est perçant. Et les multiples digressions de l'accusé révèlent sa capacité à éluder les questions, à mener la discussion, à fasciner aussi. Mais fascination, vampirisation même. Tels sont les mots du représentant du parquet pour qualifier l'action de Thierry Tilly sur la famille de Védrine. L'expert psychiatre convoqué au procès, Daniel Zaguri, parle lui de mise en jachère de l'intelligence de ses victimes au terme d'une procédure très pensée. Il y a chez Tilly une habileté dans la perception des mécanismes psychiques tout à fait stupéfiante, estime le psychiatre, qui décrypte pour la cour les différentes étapes de la mise sous emprise. D'abord, se faire apprécier des victimes, repérer leurs failles intimes, créer la peur et la paranoïa, diviser pour mieux régner et casser le narcissisme de chacun. Voilà. Ce sont ces étapes-là qui guideront notre décryptage à nous aussi et nous permettront de comprendre comment Thierry Tilly a pu asservir 11 personnes pendant près de 10 ans. Retour en arrière, donc, sur la manipulation a priori inconcevable d'une famille ordinaire embarquée dans une histoire extraordinaire. C'est l'histoire des reclus du Mont-Flanquin. Ghislaine de Védrine, épouse marchand, 51 ans, dirige La Femme Secrétaire à Paris, un centre de formation pour jeunes filles de bonne famille. Avant la rentrée, un parent d'élève lui présente le gérant d'une entreprise de nettoyage, Thierry Tilly, à qui Ghislaine confie le ménage des locaux. Une décision apparemment anodine, qui pourtant va faire basculer sa vie. Thierry Tilly a prévenu Ghislaine, il connaît du monde et du beau monde. Directeur d'une holding dont l'entreprise de nettoyage n'est qu'une miette, il peut l'aider en cas de besoin d'un simple coup de téléphone. Et de l'aide, justement. La directrice de La Femme Secrétaire en a bien besoin. Elle doute, elle s'inquiète, car son école est au bord de la faillite. Alors, Thierry Tilly lui rend des petits services, et surtout, il la conseille. Thierry, comme Ghislaine, l'appelle bientôt, pense vite et loin. Et ça fait du bien. Le grand patron, qui digérait de très nombreuses entreprises, se fait bientôt embaucher comme directeur adjoint de l'école, sans que Ghislaine y voie d'incohérence, trop heureuse, bien sûr, que cet homme brillant lui consacre son temps. De conseiller, Thierry devient bientôt confident, car Ghislaine traverse une période difficile. Sa sœur aînée, Anne, vient de mourir. Jean, son mari, est absorbé par le travail, son fils, François, est en échec scolaire et en conflit avec son père. Et puis, sa famille se déchire pour des affaires de succession. Thierry Tilly veut comprendre, alors il pose des questions. Et Ghislaine, qui le trouve très mature pour ses 35 ans, lui répond sans embâge. Elle lui parle notamment du château familial de Mont-Flanquin, un château qui aurait dû revenir à Philippe, son frère aîné, mais que leur père a préféré léguer au cadet. Une décision à rebours de l'usage qui divise la fratrie. Ghislaine ne s'en doute pas une seconde, mais elle livre à Thierry Tilly les clés de son emprise future. « Garde ton secret, tu en seras le maître. Divulgue-le, tu en seras l'esclave. » C'est bien parce que Ghislaine a oublié ce principe que Thierry Tilly s'engouffrera dans la brèche et saura utiliser les frustrations et les rancœurs de chacun pour arriver à ses fins. Daniel Picotin, qui deviendra l'avocat de la famille, raconte. « Comme beaucoup d'escrocs manipulateurs, d'abord il a un immense sens de la psychologie. Je crois même qu'il va jusqu'à scanner les personnes, si vous voulez. Il vous voit, il arrive en discutant avec vous à connaître... vos forces et vos faiblesses. Et il fait du coup humain. C'est-à-dire que quel un caméléon, si vous voulez, il va avoir avec la grand-mère un langage particulier qui sera, il se mettra ensuite à porter de l'adolescence, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui véritablement, si vous voulez, arrive à capter l'autre par empathie. Je vous dirais qu'il vous anesthésie. Comme une araignée Il va vous anesthésier, vous ficeler, et ensuite, c'est un prédateur, il faut bien dire. Il va vous sucer le sang, voilà. Ghislaine de Védrine sera le cheval de Troie de Thierry Tilly dans la famille, le premier maillon de la chaîne qui retiendra bientôt les Védrine, prisonniers. Après la mère, Tilly rencontre sa nouvelle proie, le fils, François, un jeune homme de 20 ans qui sort difficilement d'adolescence. Puis c'est au tour de Philippe et Charles-Henri, les frères de Ghislaine, que Thierry Tilly conseille et écoute avec bienveillance. Contentieux immobilier, héritage, projet d'avenir, disputes familiales. Le nouvel ami des Védrine, un homme attentionné et avisé, comprend les problèmes de chacun et il sait se faire apprécier de tous. Seul Jean, le mari de Ghislaine, qui le rencontre à son tour, n'est pas convaincu. Ce personnage m'a paru étrange. D'abord, il ne me connaissait pas et il a commencé par me faire des tonnes de compliments, flatteurs, un petit peu sirupeux, vous voyez ce que je veux dire, un peu collant. Et puis ensuite, il m'a parlé d'intelligence économique. Et vraiment, ce qu'il m'en disait ne collait pas. Et puis surtout, en fin d'après-midi, le même jour, notre première rencontre, il m'a dit qu'il était agent secret. C'était terminé, j'ai fermé les écoutilles. Thierry Tilly se rêve donc agent secret. Son travail à l'école avec Ghislaine n'est qu'une couverture, bien sûr, une légende, dit-il. Mais Ghislaine, son fils François, ses frères Philippe et Charles-Henri, eux, y croient. Tous sont fascinés par cette double vie digne d'un James Bond. Comme lors de ce repas au château de Montflanquin, à l'été 2000. Thierry Tilly, invité d'honneur, a été placé en bout de table, à la place du chef de famille. Et il parle, oh, il parle beaucoup. Agent spécial au service de la France, donc, mais aussi employé de l'OTAN, Tilly maîtrise ou feint de maîtriser beaucoup de sujets. Protection des données, diplomatie, commerce international, il sait tout sur tout, ce qui agace le mari de Ghislaine. Avant la fin de la soirée, épuisé par ce personnage qu'il trouve ridicule, Jean Marchand va se coucher, laissant sa femme et ses beaux-frères suspendus aux lèvres de leur singulier convive. Et Thierry Tilly ne s'interdit rien. Alors qu'on s'apprête à déplacer son attaché-case, il se met soudain à crier « Oh non !» Ouh là là, c'est quelqu'un d'autre que lui touche cette mallette, paramétrée par ses services, elle pourrait exploser. Pour la fille de Philippe et Brigitte, Lucille, alors là, c'en est trop. Avec son compagnon, elle retient le fou rire que lui inspirent les clowneries de Tilly. Ni Lucille, ni Jean Marchand, le mari de Ghislaine, n'entreront dans le jeu de Thierry Tilly, le zouave, comme il l'appelle. Bien, mais pour les autres, Védrine, c'est trop tard. Ce soir de l'année 2000, au château de Montflanquin, la vampirisation est en marche. Pour les Védrine, Thierry Tilly ne compte pas ses heures. Il téléphone tout le temps et il rend service dès qu'il peut. Ou plutôt, il feint de rendre service en laissant entendre que son statut d'agent secret lui confère bien des pouvoirs. Si François, le fils de Jean et Ghislaine, a finalement eu son bac, c'est parce que ses services, comme l'affirme Thierry, sont intervenus. Si Philippe a gagné le procès qu'il a intenté, c'est aussi grâce à lui. Mais surtout, Tilly offre Védrine sa protection d'un agent secret supranational contre la prétendue menace des francs-maçons, des réseaux pédophiles. Ah, et de la Rose-Croix aussi, une société secrète légendaire qui œuvre à leur perte, voyons. C'est l'un des fondements de sa manipulation. Susciter la peur pour fragiliser émotionnellement ses victimes. La famille de Védrine, explique Thierry Tilly, est élue. Et l'équilibre du monde, la société secrète pour laquelle il travaille a pour mission de protéger les valeurs qu'elle incarne. Martine Gourdin, une ancienne professeure de l'école dirigée par Ghislaine, se souvient. Alors, j'ai pas jamais su, c'était un ancien, un actuel, monsieur qui faisait de l'espionnage. Enfin, il y a des choses très bizarres, mais moi, je suis là pour éradiquer la franc-maçonnerie du monde. Et ce monsieur a fait un travail probablement très pernicieux, mais très payant, pour lui en tout cas, puisque petit à petit, elle est rentrée dans ce schéma, on nous écoute, on va chercher à me tuer, donc elle l'avait toujours, alors c'était son garde du corps, c'était celui qui allait chercher de l'argent à la banque, c'était celui qui nous protégeait de tout et n'importe quoi. Thierry Tilly commence aussi le travail de sape qui sera le sien pendant les années à venir. Diviser la famille, frapper là où ça fait mal, interdire toute confiance, et il l'affirme. Anne, l'aînée de la fratrie, n'est pas morte d'une maladie, non. Elle a été assassinée par son mari et ses enfants, des francs-maçons. Francs-maçons, également, le gendre de Ghislaine que Guillemette, 23 ans, va rapidement quitter. Philippe et Brigitte, eux, vont couper les ponts avec leur fille Lucille, une ennemie elle aussi. Quant à Jean Marchand, le mari de Ghislaine, il serait membre des Rose-Croix, selon Tilly, et tout est selon Tilly. Ce serait aussi un pervers sexuel à la tête d'un harem de maîtresses et il s'apprêterait à quitter sa femme pour l'une d'entre elles. Jean nie tout en bloc, oui, mais c'est trop tard. Il est exclu du clan Védrine par sa propre femme et ses beaux-frères. Ce qu'il nous disait à tous, c'est que nous étions menacés, que nous avions des ennemis et que, en fait, on voulait nous tuer. Mais chacun, on avait son ennemi. Moi, mon plus grand ennemi était mon mari. Jean Marchand, l'époux de Ghislaine, fut très vite exclu de la famille. Journaliste, il aurait pu gêner les plans de Thierry Tilly. Le point de départ pour moi, c'est le 7 septembre 2001, jour où je suis expulsé manu militari par mes beaux-frères et ma femme de notre maison de Montfanquin. À ce moment-là, ils brûlent leur vaisseau, ils se coupent du monde et je ne les verrai plus. Ainsi, les Védrine vivent-ils dans la peur permanente? Peur d'être observé, peur d'être suivi, peur d'être tué. Sans cesse à l'affût, ils s'inquiètent d'une fourchette qui disparaît, d'une boîte qui change de place, parce que tout fait signe, parce que tout est menace. La cataracte de la grand-mère, les rayons laser des francs-maçons. La vache morte dans un pré, là, à Montflanquin, une tentative d'empoisonnement. Pour protéger leur fortune de la menace complotiste, les Védrine commencent à transférer leur argent à Thierry Tilly sur un compte anglais de la National Westminster Bank. Tilly le leur promet, ils gagneront 10% par an, 1 million d'euros en 2000, 898 000 euros en 2001. Alors, de crainte d'être volés, eh bien les Védrine vident leur compte. En 2001, Thierry Tilly s'envole pour l'Angleterre. Il orchestrera désormais la manipulation à distance. Guillaume, le fils de Charles-Henri, devient son bras droit. En manque de reconnaissance, complexé, le jeune homme est en réalité son larbin. François et Amaury, les deux autres cousins, vivent au château de Montflanquin où ils jouent au football en attendant que Thierry Tilly leur trouve un projet professionnel. À Paris, Philippe et Brigitte vivent avec Ghislaine dans les locaux de son école, désormais fermés. Ils dorment par terre, ne sortent que pour faire des courses et refusent tout contact avec l'extérieur. Fin 2001, la famille se regroupe finalement au château de Montflanquin où les 11 Védrine vivront désormais en vase clos sous la protection des hommes de Thierry Tilly qu'ils ne verront jamais puisqu'ils n'existent pas. Les volets sont fermés, les visites indésirables. Enfants, parents, grand-mères, ces 11 personnes vivent aujourd'hui recluses dans cette maison du Lot-et-Garonne. Leur ancienne gardienne se rappelle, elle aussi, du jour où tout a basculé. Quand je leur portais une salade, par exemple, un exemple, bon, je sonnais, parce que, bon, et ils ouvraient, au bout d'un moment, ils m'attrapaient la salade comme ça, « Oh, je vous remercie, bonjour », puis pouf, ils fermaient à tour de tour, comme si je les aurais presque violés, c'était pas possible. Financièrement, Tilly en demande de plus en plus aux Védrine. Chacun doit vendre ses propriétés. Car leur protection coûte très cher. Et malgré les efforts de son patron, un mystérieux monsieur Gonzalez, il en faut plus, toujours plus. Tout passe dans le combat. Ah, c'est le mot de Tilly, le combat. Autrement dit, le salaire de Charles-Henri, avant qu'il ne décroche sa plaque de gynécologue, le chômage de Guillemette, les retraites de la grand-mère et de Philippe, leur protecteur laisse 500 euros par mois aux Védrine. 500 euros. Ghislaine, Guillemette, François, Charles-Henri, Christine, Amaury, Diane, Guillaume, Philippe, Brigitte et la grand-mère, les 11 reclus sont là, dans leur château de famille, ruinés mais protégés des menaces qui pèsent sur eux. Le plus incroyable dans cette histoire pourtant vraie, c'est que malgré les incohérences du discours de Tilly, personne ne se pose de questions. Nous en sommes donc là, en 2001. Un an après avoir laissé Thierry Tilly entrer dans leur vie, les Védrine sont dépossédés d'eux-mêmes. I put a spell on you. Hey, oh, because you're mine. You're mine. You better stop the things you do. I said, watch out. I ain't lying. I ain't lying. Jean Marchand, le mari de Ghislaine, est désemparé. Les procédures qu'il lance ne mènent à rien, car tous les Védrines sont majeurs et consentants. Chaque semaine, Jean envoie des lettres et des messages vocaux à sa femme que celle-ci écoute, en secret, malgré les avertissements de Thierry Tilly. Son mari, lui dit-il, appartient à une secte, c'est un fou dangereux. Quand il apprend qu'un contact perdure, Tilly organise à Londres une rencontre avec Jacques Gonzalez, le prétendu patron de l'organisation secrète pour laquelle il travaille. Dans un grand restaurant, Gonzalez confirme les dires de Tilly et va même plus loin. Jean Marchand a engagé des tueurs asiatiques pour tuer les Védrines. Et ce n'est pas le pire, il a violé sa propre fille, Guillemette, après l'avoir droguée. Ghislaine est sous le choc et la rupture avec Jean est consommée. En 2003, 2 ans après l'arrivée des 11 reclus au château de Montflanquin, les huissiers saisissent les meubles de la famille, car les Védrines ne paient plus leurs impôts. Sur ordre de Tilly, Ghislaine lui envoie directement l'argent et lui s'en occupe des impôts. Enfin, dit-il. Thierry Tilly va en fait profiter de ce déménagement forcé pour réorganiser le huis clos et achever de déstabiliser la famille. Les plus jeunes sont envoyés en Angleterre, les 6 adultes emménagent chez Philippe, à proximité du château où ils vont vivre enfermés pendant 18 mois. Parce que sortir, dans l'esprit des Védrines, ça veut dire mourir. Dans Diabolique, le livre qu'elle a écrit, Ghislaine de Védrines se souvient. L'ennui, la paranoïa, les conflits. 6 adultes enfermés pendant 18 mois, derrière les hauts murs glacés de la maison. Lorsque par hasard quelqu'un sonne à la porte, nous entrons tous les 6 dans un état de panique absolue et nous nous retrouvons dans le bureau de Philippe. C'est ici qu'ont été installés les écrans de contrôle des caméras fixées tout autour de la maison. Nous n'avons plus d'amis, nous ne comptons que des ennemis. Avec la promiscuité et la faim qui nous tenaillent, les repas deviennent bientôt les moments où s'expriment toutes les tensions et les souffrances accumulées. Il arrive à Philippe, qui est peut-être le plus fragile d'entre nous, de piquer des crises d'angoisse. Comme nous sommes tous impuissants à le raisonner, j'appelle alors Tilly au secours. Seuls les appels de leur sauveur depuis l'Angleterre donnent un peu de baume au cœur aux Védrines. Car Thierry Tilly s'est trouvé pour chacun les mots qui touchent. La grand-mère, fervente parmi les fervents de Tilly, rappelle à ses enfants le souvenir de la guerre, l'esprit de résistance, le retour de son père prisonnier en 1945. La délivrance est proche, espère-t-il en cœur et de tout cœur. En attendant, il faut combattre, car l'ennemi est là, aux portes de la maison. Les reclus remarquent bientôt un curieux balai. Des journalistes rôdent autour de la maison, comme autant de preuves du complot qui menace la famille. Les francs-maçons, les Rose-Croix, voici maintenant les médias. Si la presse s'intéresse à la famille Védrine, c'est parce que Jean Marchand, le mari de Ghislaine, l'a contacté. Le 25 septembre 2003, pour la première fois, une enquête paraît dans Sud-Ouest sous le titre « Huit clos mystérieux au château de Montflanquin ». Le Monde, Libération, Le Figaro, L'Express, Paris Match, puis la télé, la radio, tout le monde s'empare du sujet. Premier reportage télévisé en 2003 sur France 3 Aquitaine avec le témoignage de Daniel Picotin, l'avocat dont Jean Marchand s'est adjoint les services. Manipulation mentale, pratiques sectaires, lourd secret familial, l'affaire suscite de nombreuses interrogations, mais pour le moment aucune enquête de fond n'a été menée. C'est le problème de la liberté de chacun, mais la liberté n'est pas exactement celle du renard dans le poulailler. Lorsque la liberté finit par vous nuire, eh bien, il faut que vous soyez protégé. Il y a quand même des textes qui permettent en France d'appliquer ces protections. La mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires vient de prendre connaissance du dossier. Une lueur d'espoir pour Jean Marchand, qui lutte depuis 28 mois pour retrouver sa famille. La stratégie de Jean Marchand est payante. Cette première vague médiatique va vite convaincre un magistrat d'Agen de s'emparer de l'affaire. Certes, la loi à bout Picard, qui réprime l'abus de faiblesse, ne peut s'appliquer tant qu'une victime directe ne l'invoque pas. Mais le SRPJ Toulouse enquête et il a mis au jour les montages financiers de l'escroc. Des SCI dirigés par Ghislaine, Guimet, François, tout cela était bien ficelé, oh oui, expliquent les policiers en charge. Mais c'est tout de même le début de la fin. pendant que leurs parents croupissent chez Philippe, en France, les jeunes sont en Angleterre. Régulièrement déplacés sans raison apparente, ils vivent dans une psychose permanente. Parce que dehors, c'est l'ennemi. La porte n'est jamais verrouillée. Mais partir voudrait dire trahir les autres, trahir Thierry. Alors ? Eh bien alors, ils restent. Et puis, ils n'ont pas d'argent, de toute façon, nulle part à aller. À Londres, ils vivent d'abord dans un appartement sans eau ni électricité, tandis qu'Amaury, le jeune fils de Christine et Charles-Henri, est isolé des autres. Lui vit seul dans les bureaux vides d'une pseudo-fondation. Parce que le jeune homme, très croyant, s'inquiète de ses désirs sexuels. Thierry le persuade qu'il a des tendances pédophiles et lui organise une thérapie censée le purifier. L'adolescent dort par terre, se lave dans les toilettes et mange une fois par jour grâce à sa sœur Diane qui lui apporte des restes. Thierry Tilly entend briser les vitrines un à un, comme le racontent Charles-Henri, Christine et leurs enfants, Amaury et Diane. Il a vraiment tenté de nous séparer de vous et de casser notre image de parents. Toi, Amaury, il te disait qu'on ne t'aimait pas. Essayer de prouver à un enfant après que c'est faux, difficile, hein. C'est vrai qu'il a beaucoup discrédité, notamment mon père, à mes yeux. Il a cassé un peu tous nos, en tout cas pour moi, tous mes souvenirs d'enfant, et notamment de bonheur, ce qui fait qu'il y a une partie de mon disque dur qui a été effacée. C'est vrai que à force de nous dire quotidiennement que nos parents nous aimaient pas, que la fratrie qu'on représentait n'était pas si solide qu'on le pensait, à force, quand ça vous est tellement répété, on se dit très bien, ça doit être vrai. Donc je vais vivre que pour moi. En fait, il a tellement cloisonné qu'il nous a tous mis dans une solitude et une détresse qui faisait que c'était le sauveur, quoi, la seule personne qui était capable de pouvoir comprendre et éventuellement résoudre ou penser ces douleurs qui étaient existentielles. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous entrerons dans le tunnel sous la Manche. La durée de la traversée est d'environ 20 minutes. À partir de 2006, tous les Védrines vont quitter la France pour venir s'installer en Angleterre. La plupart d'entre eux vivent juste en face de chez Thierry Tilly, dans une modeste maison d'Oxford. Pour survivre, ils trouvent des petits boulots, mais reversent la majorité de leur salaire à leurs protecteurs. Ainsi, Philippe est jardinier, Christine cuisinière, les jeunes serveurs, vendeurs. Mais alors qu'une nouvelle vie commence pour les Védrines, Thierry Tilly va ajouter une pierre à l'édifice de ses délires, la transmission. C'est une légende qu'il a inventée. Un trésor secret venu des rois de France, transmis de génération en génération à 115 grandes familles. Ce trésor dont les Védrines ont hérité, c'est Christine, la femme de Charles-Henri, l'élu, qui en a la clé. Mais elle a beau chercher, Christine ne sait pas où se trouve le trésor et Thierry Tilly s'impatiente. Il va alors orchestrer l'événement ultime, l'épisode le plus dégradant de ce drame. Ghislaine de Védrine se souvient de cette semaine de torture dans Diabolique. Je crois qu'à ce moment-là, nous avons tous largement basculé dans une forme de folie. Poussés par la terreur d'être tués, et si malmenés depuis des années que nous n'avons plus aucun discernement. Pour aider Catherine à se souvenir, insensiblement, nous plaçons nos pas dans ceux des tortionnaires. Sans le formuler, nous pensons qu'en la faisant souffrir, nous allons l'aider à plonger plus vite dans sa mémoire. Et que, si elle ment, la souffrance va la faire parler. Nous harcelons Christine. Mais ses réponses sont de plus en plus incohérentes. Elle s'affaisse sur son tabouret. Son mari a recours alors à une technique pour l'empêcher de dormir. Il lui pince violemment le lobe des oreilles. Elle pousse un cri de douleur et se redresse aussitôt. Pendant une semaine, les Védrines vont rester cloîtrées chez eux, sans dormir, sans manger, entièrement dédiées à la découverte du secret de la transmission. Seule contre tous, Christine n'a même plus le droit d'aller aux toilettes. Les enfants surveillent la porte d'entrée pour empêcher leurs parents de sortir, tandis que les parents, hors d'eux, épuisés, tentent de faire parler Christine. Face à son silence, Thierry Tilly opte finalement pour la violence. Mais les coups sont inutiles et il doit finalement se faire une raison. Le trésor qu'il a fantasmé est introuvable. La transmission est donc un échec. Mais Thierry Tilly veut de l'argent, toujours plus d'argent. En janvier 2008, le château de Montflanquin, le berceau familial, est vendu pour moins de 500 000 euros. Bref, bradé. Les Védrines n'ont plus rien. Pour Philippe, le frère aîné, c'est un tel électrochoc qu'il va remettre en cause Thierry Tilly lors d'un épisode de violence inédit qui déstabilise encore un peu plus les Védrines. Philippe est fou, déclare Tilly. Il a rejoint l'ennemi, le camp de sa fille, Lucille, de sa femme, Brigitte et de son beau-frère Jean Marchand. Il doit rentrer en France. Loin de Thierry Tilly, Philippe, psychologiquement trop affaibli, ne parviendra pas à porter plainte. De retour en France, également, Guillaume, le fils de Charles-Henri et de Christine, bras droit de Thierry Tilly. Il est exclu du clan, accusé de voler ses proches et d'avoir violé Guimette. Désormais, les Védrines ne sont plus que 8 à subir l'emprise de Thierry Tilly. La grand-mère, ses petits-enfants Guimette, François, Diane et Amaury, ses enfants Ghislaine et Charles-Henri et sa belle-fille Christine. Mais plus pour longtemps. Pour Christine, torturée pendant une semaine lors de la transmission, c'en est trop. Grâce à son employeur et à une amie, elle organise sa fuite vers la France le 6 mars 2009 avant de se constituer partie civile et de porter plainte. Christine est la victime directe qui manquait à l'instruction. Dès lors, tout s'accélère. Le magistrat lance un mandat d'arrêt international contre Thierry Tilly et le met sur écoute. À Oxford, Tilly est de plus en plus tendu, violent parfois. Car il le sent, l'étau se resserre. Le 21 octobre 2009, alors qu'il s'apprête à entrer en Suisse pour transférer de l'argent, la police française l'arrête. Les derniers Védrines prennent enfin conscience de l'escroquerie dont ils ont été les victimes. Quelqu'un est venu frapper à notre porte et nous expliquer que Tilly était en prison parce que c'était un escroc et que nous étions tombés dans un piège. Et ça a fait sens tout de suite ? Ah, tout de suite. On a réalisé tout de suite. Je suis arrivé à reprendre conscience qu'un ami était en fait un voyou. Et ça, mais en 30 secondes. Et c'est ça, ça a été. Et pourquoi ? Parce que les personnes qui nous ont abordés ont su le faire selon des techniques bien au point, et ils ont su comment nous aborder. En juin 2013, au terme d'un procès en appel, la justice condamne Thierry Tilly à 10 ans de réclusion et à 4 800 000 euros de dommages et intérêts. 10 ans, comme la décennie qu'il a volé la famille Védrine. Quant à ceux qu'on appelle les reclus de Montflanquin, ils tentent depuis de se reconstruire, malgré les dettes, malgré les souvenirs d'une emprise qui a fait basculer leur vie. Parmi leurs combats, l'annulation des ventes de leurs propriétés effectuées sous l'influence de leur maître à penser. Il y a une décision pourtant que la justice s'est refusée à prendre en 2015. Le château de Montflanquin ne retournera pas à ceux qui l'ont reclus. See you. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les reclus de Montflanquin. Notre invité, Daniel Zaguri, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert psychiatre, sollicité pour de nombreux procès, chef de service au centre psychiatrique du Bois de Bondy en Seine-Saint-Denis. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « La barbarie des hommes ordinaires », publié aux éditions de l'Observatoire cette année. Livre tout récent. Tout récent, oui, et j'ai d'ailleurs consacré un chapitre aux victimes des reclus de Montflanquin. Bien, alors quel a été votre rôle lors du procès de Thierry Tilly? Je précise, je réponds à moitié à la question, vous n'avez pas expertisé Thierry Tilly lui-même, mais vous avez été sollicité pour vous pencher sur le cas des victimes, c'est bien ça? Absolument. Mmh. Donc le juge m'a confié les expertises des 10 victimes, il y en avait 11, mais la grand-mère est décédée, hein. Et donc j'ai vu deux générations de personnes qui se sont déplacées et qui ont beaucoup parlé, et pour lesquelles manifestement c'était important de faire le point et d'essayer de comprendre ce mystère et le fait qu'ils ont laissé 10 années de leur vie dans cette histoire. Bien sûr, et j'imagine que quand les auditeurs ont entendu l'histoire qu'on vient de raconter, ils ont dû se dire « mais comment est-ce possible ?» Et je vous pose la question, et c'est une question que vous vous êtes vous-même posée, vous avez publié d'ailleurs sur ce thème-là. Comment est-ce possible? Enfin, ces gens-là sont pas des débiles, si je puis m'exprimer ainsi. Ils ont une intelligence qui devrait normalement leur donner la capacité de se dire bah, « il nous raconte n'importe quoi, il est en train de nous manipuler ». Absolument. Donc c'est la question centrale, il ne faut pas l'éluder. Et la première idée effectivement qui nous vient à l'esprit, c'est que ce sont des pauvres gens, très crédules, très naïfs, qui se sont fait rouler dans la farine. Peut-être s'agit-il d'une vieille famille de noblesse dégénérée. Et toutes ces idées que j'agitais dans ma tête, effectivement, se sont avérées fausses. Donc on est tous incrédules. On imagine une sorte d'abracadabra, une espèce de d'envoûtement magique qui fait que ces personnes seraient sous hypnose pendant 10 ans. C'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Dans toutes ces affaires, j'ai une matrice de compréhension autour de ce que j'appelle l'abus de transfert. C'est-à-dire? C'est quoi le transfert? Le transfert, c'est ce que Freud a décrit pour les patients en thérapie analytique, c'est-à-dire cet état régressif qui fait que le sujet va projeter sur son analyste et va revivre le rapport à ses images parentales dans les tout premiers temps de l'existence quand notre survie psychique dépendait des parents. Le transfert, c'est un phénomène effectivement qu'on décrit en situation thérapeutique, mais qui existe aussi dans l'existence courante, dans la relation médecin-malade, dans la relation d'un avocat. Quand vous êtes dans une grande difficulté, que vous allez voir un avocat pour essayer de vous en sortir, ou dans la relation maître-élève. Si vous avez des enfants ou des adolescents, vous savez que parfois ils sont nuls en maths, et puis tout d'un coup il y a un prof de maths qui va susciter en eux une sorte d'envie de lui prouver qu'on est capable, et tout d'un coup, il y a une mutation. Donc, le transfert, c'est pas simplement en situation thérapeutique, c'est aussi dans l'existence. Alors, on a vu d'autres affaires, on va revenir à celle-là, évidemment, de naïveté apparente, hein, moi dans mon langage simple et non psy, j'appelle ça naïveté, avec l'affaire Jean-Claude Roman, vous la connaissez peut-être, cet homme qui se fait passer pour médecin pendant 20 ans, son entourage le croit, alors que ce sont aussi des médecins, c'est des gens instruits, intelligents. Il arrive même à prendre de l'argent à ses amis pour leur dire « je vais les placer en Suisse », et les amis y croient. Et ça dure 20 ans. Donc ça veut dire que derrière ce mot tout simple de naïveté, il y a toujours cette histoire de transfert, comme vous dites. Alors, c'est pas le même cas. Hein, Jean-Claude Roman, oui, c'est autre chose. Mmh. Et Jean-Claude Roman, si j'en crois ce que j'ai lu, était très habile dans la façon de rapporter ce qu'il avait fait. Et puis, il avait des connaissances médicales aussi. Il avait passé beaucoup de temps à se mettre au niveau. Donc, on est dans tout à fait autre chose. Et puis, vous n'êtes quand quelqu'un vous raconte des choses sur ce qu'il fait, vous ne faites pas nécessairement une enquête. Donc, on est dans une autre situation avec Jean-Claude Roman. D'accord. Néanmoins, vous avez raison sur un point, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la mythomanie, qui est très différent du désir, et qui est que des sujets qui sont carencés sur le plan narcissique, qui ont des lacunes dans leur amour propre, vont quêter dans le regard de l'autre leur existence. Et qu'au fond, c'était plus important pour Jean-Claude Roman qu'on le prenne pour un grand médecin de l'OMS plutôt que de l'être. Et ça suffisait. L'idée de voir dans le regard de l'autre le reflet de son rêve était suffisant. Bien. Alors, revenons à Thierry Tilly. Je rappelle que vous n'avez pas expertisé, mais comme vous êtes intéressé à cette affaire, forcément vous êtes intéressé à son profil psychologique. Quel est cet homme ? Alors, effectivement, je ne l'ai pas examiné, mais j'en ai examiné d'autres, et je pense qu'il ne m'aurait pas appris grand-chose. Il m'aurait probablement baladé, essayé de me rouler dans la farine, il aurait nié... Il serait resté le manipulateur qu'il était avec la famille de mon flanc. En tout cas, il n'aurait pas joué le jeu. Et essayez d'imaginer que j'examine 10 personnes qui vous connaissent, et qui chacun, à travers leur subjectivité, le prisme de leur singularité, me parle de vous. Mais j'en saurai peut-être plus sur vous qu'en vous expertisant. Allez faire un tour dans le bureau d'affaires sensibles, il est pas loin, on vous parlera. Bon, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, qui est un contraste entre la façon dont il est apparu au procès, tel que je l'ai vu moi dans les médias, et la façon dont m'en ont parlé les victimes. C'est-à-dire que, tout de même, c'est un homme qui a détourné 5 millions d'euros, donc qui a fait preuve d'un certain pragmatisme, qui connaissait l'heure des trains, et qui a réussi pendant 10 ans à asservir toute une famille, à la conduire là, il voulait la conduire, et à en tirer un bénéfice matériel. Donc, vous voyez qu'on n'est pas là dans le registre d'une personnalité extrêmement désorganisée. On est dans le délit prémédité, quoi. On est construit, dans quelque chose qui est organisé, qui est anticipé, qui est finalisé, qui est prémédité, qui est tout ce que vous voulez, mais qui fait contraste avec ce personnage pitoyable qui défie le tribunal, qui se fait... Alors, c'est pas simplement de la simulation. Je ne pense pas que ce soit simplement de la simulation. Mais je pense que, si vous voulez, c'est un petit peu comme un poisson rouge privé, sorti de son bocal. Il frétille piteusement. Il n'a plus de quoi se nourrir. Ce qui le nourrissait, ce qui le faisait vivre, son oxygène, c'était cette famille qui la servissait. Alors, on va parler maintenant des victimes, puisque vous avez été sollicité pour le coup concrètement pour vous pencher sur leur cas. On va écouter d'abord une archive au moment du procès en 2012. Alors, Charles-Henri de Védrine, on va commencer par lui, tente de résumer le processus de mise sous emprise. Voilà comment il l'exprime. Qu'on ait effectivement notre intelligence en jachère, c'est exactement ce qu'on a vécu. Pendant toutes ces années, on a gardé une partie d'esprit critique qu'il nous a été absolument impossible de mettre en œuvre. Tout était parfaitement programmé. On nous a coupé de notre environnement bordelais. Après ça, on nous a repoussé vers Lot-et-Garonne. En Lot-et-Garonne, on nous a repoussé d'une commune à l'autre et on est parti en Angleterre au moment où il y avait besoin de nous écarter encore plus pour arriver effectivement à nous séparer de cette maison qui pour nous n'est pas un château, c'est notre maison de famille, c'est notre berceau. On y est pratiquement né, on avait envie d'y crever, c'est tout. On met notre intelligence en jachère. Alors, il reprend une des formules de mon expertise, effectivement. Les membres de la famille de Védrine ne sont pas devenus du jour au lendemain des idiots qu'ils n'étaient pas. Mais oui. Ils ont perdu toute capacité critique politique, néanmoins, tout ce qui pouvait contredire, contrarier le système mis en place était présent, si je puis dire, potentiellement. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le switch, la bascule extrêmement brutale au moment de la levée de l'emprise, où les personnes vous disent « mais je le savais, je l'ai toujours su ». La justice a tranché lors du procès. Les reclus de Montflanquin, ce n'est pas une secte, elle dit, et Thierry Tilly n'est pas un gourou. Pourquoi ce parallèle ? On peut faire une analogie. On peut dire que le fonctionnement de la famille a été sectaire. On peut dire que Thierry Tilly s'est comporté comme se comportent les gourous de secte. Néanmoins, comparaison n'est pas raison, c'est pas non plus superposable. Alors la famille Védrine, ce sont des aristocrates protestants avec une histoire familiale très ancienne. Est-ce que cette histoire familiale, qui aurait pu être un soutien, a au contraire nourri le sentiment de persécution ? Alors effectivement, je parlais tout à l'heure du transfert, il y a aussi le transfert familial. Et les membres, enfin certains membres de la famille me l'ont dit très clairement, nous appartenons à une histoire familiale très marquée par le protestantisme et très marquée par les persécutions. Ils avaient même des anecdotes ou des événements à rapporter, effectivement extrêmement pénibles, qui sont restés, si vous voulez, dans l'ADN familial. Donc on peut penser que cette histoire autour de la persécution des protestants a joué un certain rôle pour faciliter cette paranoïa, cette forteresse paranoïaque dans laquelle Thierry Tilly les a enfermés. Alors, je ne sais pas si on peut globaliser, résumer le sentiment de plusieurs personnes à un sentiment qui serait celui d'une personne. Mais quel est le sentiment de cette famille à la fin de cette histoire ? Dans quel état ils ressortent, en fait ? Alors, rappelez-vous que j'ai examiné les parents, que j'ai examiné les enfants, les cousins, les cousines, que chacun est différent, que chacun a sa singularité, que chacun a été investi par Thierry Tilly d'un rôle différent. Donc, leur réaction ne peut pas être la même pour tous. Néanmoins, voilà des personnes qui se retrouvent 10 ans après en se disant « on a laissé, on a abandonné, on a perdu 10 années de notre vie ». Mais oui. Mais pourquoi ? Alors, c'est sans fin, mais pourquoi, bon sang ? Pourquoi est une question métaphysique, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, mais comment est une question à laquelle on peut souvent répondre, ou en tout cas essayer de répondre, et tout commence par l'introduction de Thierry Tilly dans la famille, un petit peu comme dans le film Théorème. Théorème de Pasolini, exactement. Mais j'ai pensé à ça, hein, mais bien sûr. Mais absolument. Et donc, il pénètre dans la famille, il est adoubé, il est idéalisé, on lui impute des capacités de placement financier extraordinaires. Pardon de vous couper, mais est-ce qu'on a besoin d'une tierce personne dans cette famille pour, je sais pas, redonner de la dynamique à la famille ou que sais-je encore? Pourquoi ce besoin d'un élément extérieur? C'est quelque chose qui va pas à l'intérieur, non? Alors, comme une médiation presque. Mais vous avez raison de poser la question, mais alors dans l'histoire de la famille, en tout cas dans ce que j'en ai compris, il y avait des difficultés dans l'établissement que Guylaine, dont elle était la directrice, donc la femme secrétaire, je crois, ça s'appelait, et donc ils ont fait appel à lui, comme on fait appel à quelqu'un qui vient vous aider dans des difficultés de gestion, parce que il avait la réputation donc d'être quelqu'un d'extrêmement brillant, actif, pragmatique et efficace. Donc, et petit à petit, il va prendre possession non seulement de cette école, mais il va prendre possession de la famille. Ah oui. Alors, on va écouter une deuxième et dernière archive. Jean Marchand, le mari de Ghislaine de Védrine, n'a jamais abandonné sa femme, mais voici quelques-uns des mails qu'il lui a envoyés. 23 mai 2002. Bonjour ma chérie. Je continue à t'appeler comme ça parce que, quoi que tu fasses, tu restes ma femme. Même s'il est évident pour les gens qui sont des professionnels de la maladie que tu es en plein délire. Ce que tu fais avec les enfants, c'est tout simplement monstrueux. 10 juin 2002. Je t'aime, Ghislaine, ne l'oublie pas. Reviens-moi. Moi, je t'aiderai de toutes mes forces. Embrasse les enfants pour moi. Vous me manquez terriblement. 21 juin 2002. Vous croyez à des dangers extérieurs, vous croyez que nous sommes tous mauvais. Je ne sais pas dans quelle secte vous êtes tombé, mais c'est terrible parce que vous vous trompez. Vous êtes trompé sur toute la ligne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'effectivement, les membres de la famille qui voient leurs enfants, leurs parents tomber dans de tels errements sont dans un état de désespoir total. Alors, et ça m'inspire aussi que certains sont victimes et que d'autres pas. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi certains résistent-ils ? Et c'est la question que j'ai d'ailleurs essayé de poser dans mon livre, qui est une question qui est valable dans ce type de situation, mais qui est valable aussi dans des situations comme pourquoi certains deviennent-ils génocidaires et d'autres pas ? Pourquoi certains résistent-ils et d'autres pas ? Et je crois, ma réponse là aussi va être très naïve, je crois que la solution de l'énigme, elle est dans la capacité de garder un certain esprit rebelle, un quant à soi, de ne pas être simplement là où l'atmosphère, où l'époque vous porte. Être plutôt mutin que mouton, en gros. Si vous voulez, un peu mutin, mais en tout cas, sauvegarder une capacité de discernement et de critique qui n'a rien à voir avec l'intelligence, qui n'a rien à voir avec le niveau de culture, mais qui a à voir avec la capacité d'articuler le jugement, l'émotion et l'analyse des situations. Alors, toute dernière chose, Daniel Zaguri, on ne peut pas faire la lumière sur tout. Peut-être qu'il reste une part de mystère dans cette histoire. Est-ce qu'il faut qu'on accepte le mystère et qu'on se dise, on peut pas tout comprendre de ce qui s'est passé là? Non, alors non. Là, je suis pas d'accord avec vous. Ah bah très bien. Parce que, si vous voulez, ça c'est comme ça que se terminent les mauvaises chroniques judiciaires, c'est-à-dire, une fois de plus, les experts n'ont pas réussi à nous éclairer. Non. Il y avait pas ça derrière ma question. Non, alors je vous l'impute très injustement. Mais je pense que... En analysant séquence par séquence les raisons qui font que Thierry Tilly, en pénétrant dans cette famille, a amorcé un processus qui va amener cette famille entière à l'asservissement, en essayant de comprendre et d'analyser chacune de ces étapes, je pense quand même qu'on fait un sacré chemin. Hein. Je pense pas qu'on soit dans le mystère, parce que si on dit qu'on est dans le mystère, on retourne à la bracadabra. Et c'est justement ce qu'on ne voulait pas. C'est entendu. Merci infiniment, Daniel Zaguri. Ce sera le mot de la fin. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les reclus de Montflanquin, une émission que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr en podcast et rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à YouTube Diego Aclopez qui était à la technique aujourd'hui.